un homme qui en rencontre un autre, et cet autre lui dit: veux-tu m'accompagner? Moi je cherche un trésor. Quand on est seul, tout se dort, on n'est pas très malin, on deviendrait l'apôtre d'un peu n'importe qui. Et voilà l'homme qui suit, cet autre qui lui dit: je ne veux que ce qui s'offre, un verre de vin, une cigarette, un sourire, pas ce qu'on met dans les coffres, les avoirs, des avares, les saphirs. Je ne veux que ce qui s'offre, et dans les yeux des filles, moi je lis l'avenir. Les deux hommes marchent et marchent, et trois années entières. Ils ne mettent la main sur aucune richesse. Ils volent un peu, mendient beaucoup, sillonnent les paysages, collectionnent les maîtresses, sans trouver de rivière pour suspendre à leur cou. Et toujours l'autre dit: je ne veux que ce qui s'offre, un verre de vin, une cigarette, un sourire, pas ce qu'on met dans les coffres, les avoirs, des avares, les saphirs. Je ne veux que ce qui s'offre au fond des yeux des filles quand elles ont du plaisir. Un jour enfin je lui demande: voilà 3 ans que nous courons le monde. Tu me disais que tu cherchais de l'or. Il a ri. Il a dit: le trésor, mais c'est toi mon ami. Depuis 3 ans, ce trésor me suffit. Je ne veux que ce qui s'offre, un verre de vin, une cigarette, un sourire, pas ce qu'on met dans les coffres, les avoirs, les avares, les saphirs. Je ne veux que ce qui s'offre, et dans les yeux des filles, moi je lis l'avenir. Je ne veux que ce qui s'offre, pas ce qu'on met dans les coffres, les avoirs, les avares, les saphirs. Je ne veux que ce qui s'offre, et l'amitié se donne comme l'air qu'on respire. Et dans les yeux des filles, j'ai bâti mon empire.